Néochrome bande de putains. Si gros, parole d'escroc, ténébreuse mafia. Les rimes sont de la chenouf pure, le flow est goûtu, on perfore le trou de huc. J'apporte des flots inédits sur parole d'escroc. Des dead sauts, je perfore les wacks, mon album explose. Des mecs drôles ont cru nous dead, mais on les baisse trop. Des vergors, mes rimes sataniques résonnent dans les sols. Autoroute, assiste, le cri des vautours m'attire, le chant des automatiques. L'équipe de Shogun rapplique, mes loups barres sortent le canif pour leur famille. Les coups partent tout seuls, c'est nous les partouzeurs. C'est pour mon équipe, et mes blancs, Black Cooper. Cache-toi petit sur moi, avec nous y'a pas de tournoi. Mais t'es fou toi, tu sais bien qu'une seule de mes phrases te foudroie. Rap de titan, on gifle les fonds, je sais c'est flippant. Pour mes handicapés mentaux, mes dangereux personnages, mes bêtes sauvages échappées de l'enclos. Je vais te parler franco, si l'avenir c'est le clonage. T'es dans la merde connard, t'as affaire à des fantômes. Donc un conseil reste mignon, garde bien espèce de bidon. Monte dans le train, content, prends ta veste vignon. Les femmes se crêpent le chignon, pour nous escorter. On leur fait perdre le filon en vendant des disques ou quelques litrons. Si, parole test pro, 12 mesures, la prod explose. Ainsi que l'alcotest pro, c'est quoi Vigno, Alpa trop test gros. Mes soldats sortent les gros, façon plein pro. Tu vas te faire perforer le trou de huc par mon trou de luxe. Te retrouver devant la gare de Saint-Jean tout nu. Des coupures sur le corps, on prend ton manteau de fourrure. Le flou est goûtu, nos rimes sont de la chouette. Tu vas te faire perforer le trou de huc par mon trou de luxe. Te retrouver devant la gare de Saint-Jean tout nu. Des coupures sur le corps, on prend ton manteau de fourrure. Le flou est goûtu, nos rimes sont de la chouette. Parole d'escroc, suis-moi pas d'auréole. Mon gros, un conseil, viens pas tester nos ruelles. Gilon ton allée, ils m'ont couplé. Gros jaune en calumé, au ciel j'y monte toute l'année. J'crache une bouffée de drogue sale, méga stapé. On chlasse dans un système sans bouée. On va clouer le bec à gros d'enculé. Louer leur cul à très bon marché. On peut dénicher, crois-moi, tout et n'importe quoi. Nous dénoncer, pris sur la croix. Ouais gros ça j'aime, les gosses s'agitent. La ville s'arrache le jour et c'est notre gamme qu'on fourre que j'aime. Vas-y viens voir gros, ici tout le monde a les gros. Chacun choisit sa filière pour en devenir un pro. RER 6 gros, ça va du voleur au 6 gros. Du macro escroc jusqu'au braqueur de bistrot. RER 6 bolos, ça se met un bas avec ton rolos. Dolce, Versace, grosse caisse en mode bogos. Du rap français on va devenir les big boss. Et on posera notre bras gauche sur la portière d'une Big Porsche, de fouet, Busty, Zino, féroce. On assomme les poucaves, les indiques à coups de crosse. Que du hardcore, du sang, des flingues dans notre décor. Ça pue le mort, ici la violence est un sport. J'rappe comme les 12 coups de minuit, le coup de chinoui. C'est John Abruzzi, le gros scoop circuit. J'perds à l'élire à vif, c'est ma thérapie. Un peu comme le coup de coude de ciseaux sur ma Materazzi. J'me fous de briller, prendre le billet quand ça m'arrange. Parole d'escroc, faut pas se plier aux apparences. J'ai une main pour le cash et l'autre pour le pilon. Un œil qui se fâche et l'autre quand dit long. J'fasse la chance et j'oublie pas ma cible. Alors j'assassine du sud de la France jusqu'au Batacide. C'est Fatal City, par la Guigui, la classique. J'ai signé Farage au large la Sicile. Tu vas te faire perforer le trou de huc par mon trou de luxe. Te retrouver devant la gare de Saint-Jean tout nu. Des coupures sur le corps, on prend ton manteau de fourrure. Le flow est goûtu, nos rimes sont de la chenouf pure. Tu vas te faire perforer le trou de huc par mon trou de luxe. Se retrouver devant la gare de Saint-Jean tout nu. Des coupures sur le corps, on prend ton manteau de fourrure. Le flow est goûtu, nos rimes sont de la chenouf pure. Néochrome bande de putains.